Yo. C'est qui va faire le clavier? C'est juste le refrain. I was born vous avez les accords, vous me le dites. Vous avez trouvé les accords. C'est super dur à chanter parce que en fait c'est vachement aigu, hein. Enfin, pour moi. Personne, hein. Je l'enlève le piano, hein. Oh, ça j'ai plus, je m'entends même. Faut que je baisse mes voix. Heureusement qu'il y a le Brésilien, les gars. Putain, c'est quoi ce bordel? I was born to love. On va faire plus, on va essayer. Putain, mais je m'entends. Ah, déjà, c'est trop fort, ça me fait. C'est trop fort. Fragile balance, Brazil, good. I was born. Dans ma chatte sur. Every single day. C'est quoi ce micro qui déconne? I was born to love you. I restart. On va se le faire avec le Brésilien. Ils sont super. Non, c'est dur à chanter ça. I restart. I restart. I like your song. Your acoustic song is very good. Ok, c'est parti avec Fragile, le Brésilien, la guitare. We'll be right back. was born to love you. With every single piece of my heart, yes, I was born to take care of you. Every single day, alright, come on, man. C'est bon, tout le monde est d'accord, on le refait comme il faut. On va le refaire comme il faut. One, two, three, four. Everybody is okay if he could play. Comment on dit chacun son tour. Je sais pas. Comment on dit en anglais chacun son tour? Comment on dit en anglais chacun son tour? La voix, ce truc. Oh, ça fait mal. Moi, je bois un peu de coca. On ne peut pas s'appeler Freddie Mercury. Every single bit of my heart. Yes, I was born to take care of you. Every single day, alright. Allez, c'est à vous maintenant. Alors, la guitare, on a MRSZ. On a Rémi au piano. Et on a un japonais, Sat. Mais j'entends pas, il a pas de son. Il doit pas être prêt. Bon, on va muter mon piano et écouter le piano de Rémi. Et on a le monsieur Sat du Japon qui nous écoute. Donc on récapitule, on a Sat à la guitare, MRSZ à la guitare aussi, et Rémi au piano. guess I was born to take care of you. Every single day. Alright, solo avec Mr. Satan. Yes, it's very good. Thank you. Merci au piano, Rémi. Rémi au piano. Rémi, c'est à toi maintenant. J'aimerais bien un petit solo de Rémi. Ah, mais Rémi s'en va. Merci, Rémi. I was born to love you with every single bit of my heart. Yes, I was born to take care of you every single day. Alright. C'est bien les gars. On va se le faire une dernière fois. Vous êtes prêts? I was born to love you with every single bit of my heart. Yes, I was born to take care of you every single day. Alright. Come on, come on. J'aimerais bien un solo de MRSZ. Ça serait sympa aussi. MRSZ à la guitare. C'est bien, bravo. Cette fois-ci, c'est la dernière. On va la chanter une dernière fois pour qu'on passe à autre chose. Est-ce que vous aimez Queen? Parce que moi, j'aime Freddy. Je l'ai bien, Fredo. Allez, vous chantez avec moi derrière vos casques.